tour de bras. Naviguer plein comme une barrique, à poil sous le soleil des tropiques. Au pillon des bouilles, les bateaux qui croisent notre route au fil de l'eau. On est riche à plus haut pouvoir, on squatte dans l'or et le caviar. Un soir sur une mer pleine d'histoire, celui de nous, le plus menu, faisait le guet tout seul dans le noir quand une sirène lui apparut. D'un baiser, il perdait la tête et se jetait à l'eau tout nu. Mais avant discret, le poète perçait la coque de verre moulu. Voile le vent, le nez dedans, Stracy Macron, les forbans. Voile derrière, le cul à l'air, c'est comme ça que feront les cancers. Voile dehors, cadre de port, à nous les femmes, le grand mélor. Les voiles à terre, bois qu'à galère, les pirates périront en mer. Le bateau coule, l'équipage fabrique un radeau. Et puis un autre pour le magot. Ils embarquèrent complètement sous. Dérive au gré des courants dans un océan vraiment très grand. Où les vagues et les requins blancs étaient froids, mortels et mordants. Enfin le matin, et on pêche de quoi se mettre à table. Le poisson frais c'est la santé quand il est cru c'est délectable. Celui de nous qui est le plus sage, touché mal aux genoux et ça c'est fiable. On va ramasser des nuages et une tempête de tous les diables. C'est beau mais c'est inhabité. Bronzé vite comme une barrique, à poil sous le soleil des tropiques. On scrute, on attend un bateau partir de terre, voguer sur l'eau.